me serve la liberté d'expression pour mettre la pression. Et rien à foutre, faire mauvaise impression. La rue veut du bon son, alors bossons. UVSS, c'est là que les boss sont mes bons sang. Pourquoi vouloir nous tester si tes textes sont aussi crades que la merde t'as dans ton caleçon? Moi je suis en live des bafons, je rappe comme du baston. Dans nos concerts, y'a pas de fans de Rolling Stone. Y'a des mecs qui brassent de la barrette à la tonne. Des meufs qui te la mettent dans le cul, tu les prends pour des connes. Moi je fais le ménage comme un cyclone. Basseville mon site comme favori, ma favelas. Ici ça braque pour claquer de la thune comme à Las Vegas. Ce qui m'agace, c'est de voir le rap se travestir en chacasse. Trop de clowns au mic, genre Michael Youn. À croire que le rap c'est la porte ouverte au hagoun. Si nos fois sont trop hardcore, les fais pas écouter à ta daronne. Pour que les cons taisent et que les peaux marrons. C'est pour les plaques, là les blancs, blancs. Et les peaux marrons, UVSS, c'est trop spécial en live des bas-fronts. Si nos fois sont trop hardcore, les fais pas écouter à ta daronne. Pour que les cons taisent et que les peaux marrons. C'est pour les plaques, là les blancs, blancs. Et les peaux marrons, UVSS, c'est trop spécial en live des bas-fronts. UVSS, deuxième opus, cousin vas-y, viens le découvrir. On fout la merde comme il était convenu sur un son décorri. Je laisse pas ta putain théorie traiter mon rap de terroriste. Tu peux pas mater les gorilles, t'es pas dans notre catégorie. Tu sais où tu peux te foutre, t'as pas tes pourris, je rappe à pourrir. Je m'en bats les coups de blessés, appelle les secouristes. N'appelle pas les flics pour cab, ils risquent de courir. Devant nous, même Kamel Wally révise ses corées. Je sais que je suis pauvre, mais intérieurement, même les plus riches m'envient. J'ai ce qu'il faut et ça se paye pas, elle est plus belle ma vie. Moi je suis pas prêt de mourir, donc mes faces vont pas pourrir. Même si on fait du hip hop ici, c'est pas pour se nourrir. UVSS sur 10, du son pas pour les touristes. Sarko, tu peux toujours courir pour m'empêcher de l'ouvrir. Je représente, car tu veux démolir nos jours à tous les gros qui n'ont que la musique comme issue de secours. Si nos fois sont trop hardcore, les fais pas écouter à ta daronne. Pour que les cons taisent et que les peaux marrons. C'est pour les plaques, là les blancs, blancs. Et les peaux marrons, UVSS, c'est trop spécial en live des bas-fronts. Si nos fois sont trop hardcore, les fais pas écouter à ta daronne. Pour que les cons taisent et que les peaux marrons. C'est pour les plaques, là les blancs, blancs. Et les peaux marrons, UVSS, c'est trop spécial en live des bas-fronts. Je fais du rap avec mes potes, j'aimerais bien t'en parler, mais je trouverai jamais les mots pour décrire cette ambiance. UVSS, c'est ma clique si l'un d'eux nous quittait. J'aurais jamais assez d'encre pour écrire ma souffrance. J'ai les mains faites pour l'or, mais elles traînent dans la merde. J'suis pas sur la bonne voie, mais rien à foutre, rien à perdre. Chaque jour, c'est les mêmes démons qui me traversent l'esprit. Mais j'ai pris 8 mesures d'avance sur l'enfer de ma vie. 7 ans de malheur après le prisement du miroir. 6 heures que je bloque dans ce putain de couloir. J'espère que tu me reçois 5 sur 5 et que tu peux m'entendre. Dans les 4 coins cardinaux, je veux que ma voix se répande. Mais dis-toi bien que ce couplet n'est qu'un cheval de Troie. Pour dire à mes proches que je les aime et que j'ai besoin d'eux. Nul ne sait ce que nous réserve le destin. Alors envoie la Yala Skunk ou le double zéro. Si nos fois sont trop hardcore, les fais pas écouter à ta daronne. Pour que les cons taisent et que les peaux marrons. C'est pour les plaques, là les blancs, blancs. Et les peaux marrons, UVSS, c'est trop spécial en live des bas-fronts. Si nos fois sont trop hardcore, les fais pas écouter à ta daronne. Pour que les cons taisent et que les peaux marrons. C'est pour les plaques, là les blancs, blancs. Et les peaux marrons, UVSS, c'est trop spécial en live des bas-fronts.